Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. Le Challenge Pink Winter, ça sera présenté à un superbe endroit, c'est l'auberge de l'Île du Repos. Et pour en savoir davantage, on parle avec Alexandra Tremblay, qui est la coordonnatrice du Challenge Pink Winter. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On en parle. Salut Alexandra! Bonjour! Alexandra, le Challenge Pink Winter, ça veut dire quoi ça? Le Challenge Pinkwater, c'est en fait nous on est un organisme à but non lucratif, oui, ça, qui a pour mission de rendre accessible les sports d'eau vive chez les femmes. OK. Donc on est à la 5e édition du Challenge Pinkwater cette année. Puis on organise des forfaits tout inclus pour faire vivre c'est quoi l'eau vive à des gens qui n'ont jamais vécu ça. Puis on fait aussi des gens qui sont expérimentés également. Oui. Puis on a aussi des gars qui jouent à nous dans les forfaits expérimentés pour descendre la rivière. Vous avez tellement un bel... Vous avez vraiment un bel, une belle place. L'Île du Repos, là, c'est vraiment une belle place pour ça. Oui, c'est notre camp de base pour la troisième année cette année. Puis c'est vraiment enchanteur là, comme lieu. C'est qu'on se regroupe toutes là, puis de là, on se dirige vers les rivières. Y a-t-il beaucoup d'adeptes? Parce que là, on parle beaucoup de canot-kayak, de kayak de mer, également, du sauvetage sportif. Ça doit avoir un lien aussi avec ça aussi. Oui, bien, de plus en plus, il y a une bonne communauté dans l'eau vive. Ouais. Nous, on est surtout là dans le kayak, canot et rafting là, d'eau vive. Mais cette année, en fait, on a un nouveau volet qui est le volet découverte. Okay. On invite les gens à venir à l'Île du Repos faire l'essai de différents types d'embarcations, puis un peu voir la différence entre justement un kayak de mer, un kayak de lac, un kayak de pêche, un kayak de rivière. Fait que les gens vont pouvoir voir la différence puis pouvoir essayer les différentes embarcations. Puis ça, c'est en collaboration avec la boutique Hors-Circuit puis le regroupement Loisirs et Sports Saint-Lac-Saint-Jean qui nous permet d'offrir ça gratuitement à la population. Donc. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a un volet compétition aussi? Parce qu'il y a une classe ouverte, mais est-ce qu'il y a un volet compétition lors de ces trois jours-là? Non, il y a pas de compétition. Dans le fond, il y a le volet de découverte qui est ouvert au grand public. Okay. Sinon, c'est vraiment des forfaits. Il y a des forfaits d'initiation en kayak puis en canot. Il y a un forfait de rafting, puis il y a des forfaits de perfectionnement puis des forfaits expérimentés. Puis nous, dans le fond, c'est des forfaits tout inclus où ce que les gens s'inscrivent puis on s'occupe du transport, de la logistique, de les loger, de les nourrir. Puis, il y a des massothérapeutes sur place, des professeurs de yoga, puis qui fait que c'est vraiment de type tout peintre. Vous êtes combien à peu près normalement, vous attendez combien de monde? On attend une soixantaine de participants, participantes. OK. Inscrits au forfait. Puis, pour ce qui est du volet découverte, ben c'est nouveau cette année. Fait qu'on espère avoir une bonne réponse de la population là, qui profite de cette occasion pour venir essayer des embarcations puis un peu voir la différence entre les différents types de sports nautiques. Ben effectivement. Dis-moi, depuis que vous avez fait le Challenge Pink Winter, est-ce qu'on retrouve quand même, est-ce que ça a fait des petits? Y a-t-il eu beaucoup d'améliorations là-dessus, ce côté-là? Ben en fait, depuis que la communauté Pinkwater existe, là, la communauté féminine a beaucoup grandi. OK. Fait qu'il y a de plus en plus de femmes là qui se joignent au groupe de kayakistes, qui était un milieu beaucoup d'hommes. Ouais. Et là, on est de plus en plus de filles là qui pagaient sur les rivières. Là, ça fait des groupes mixtes, puis ça fait ça apporte du bon au sport. Parce que je sais qu'il y en a dans le coin de Boumistassini, Saint-Stanislas et ainsi de suite. Est-ce que tu viens pratiquer dans ce coin-ci aussi? Oui, mais il y en a partout où il y a des rivières. OK. Dis-moi, donc, est-ce que tu fais partie des clubs de rafting aussi? Est-ce que tu es là-dedans? Comment ça va là, de ce côté-là? Oui, mais ça va comme... ici, il y a le club de kayak de la Rivière au Sable qui va bien. Puis, il y a beaucoup de pratiquants aussi au lac là, parce qu'on a de très, très belles rivières dans la région. Fait qu'on est très gâtés là, pour l'eau vive. Donc, ça va bien là, dans les clubs là, OK. Au niveau de la Fédération d'eau vive. Le Pink Winter, je reviens là-dessus, il y a une question que je suis en train d'échapper. Est-ce que c'est... y a-t-il beaucoup de monde de l'extérieur qui vient? Parce que je sais que les Français adorent vraiment le kayak et ainsi de suite. Puis je sais qu'à l'île du Repos, il y en a beaucoup. Est-ce que tu t'attends d'avoir un peu de gens d'un peu partout? Oui, ben présentement, là, les institutions qu'on a, ça devient un peu partout au Québec. On a des filles du Nouveau-Brunswick aussi, de l'Ontario. Fait que c'est vraiment là dans toute la province, là, un peu de la région, puis du Canada aussi. OK. Donc, ça commence la semaine prochaine. C'est jeudi, vendredi, lundi et mardi. Vendredi, samedi, dimanche. Oui, et les inscriptions sont en cours actuellement. Donc, on contacte si jamais, s'il y a des gens qui sont intéressés. Comment ça fonctionne, en fait? Ils peuvent aller sur le site web qui est ping-water.ca. OK. Puis, sur le site web, on va dans la section événements Challenge Pinkwater 2019. Puis, ils vont tomber directement sur la page d'inscription. Présentement, le forfait initiation est complet, mais il reste de la place là dans le forfait rafting. Puis pour les gens expérimentés en kayak, il reste de la place là, dans les forfaits expérimentés. Et ça coûte combien? C'est différents prix là selon le type d'hébergement que vous choisissez, puis le nombre de nuits, mais ça joue là entre 140 et 300 $ là. Pour la fin de semaine. Selon l'hébergement. Ouais, pour la fin de semaine, c'est ça? Oui, c'est tout inclus. Là, ça comprend l'hébergement, les repas, puis plein de surprises là, pendant l'événement. OK. Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances, Alexandra, pour le plaisir de se reparler. Puis il y a le volet découverte qui est gratuit, là, qui est ouvert à tous. OK. Donc, Alexandra Tremblay, qui est la coordonnatrice du Challenge Pinkwater, qui aura lieu la semaine prochaine à l'Île du Repos.